émission, seule émission rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveaux sons en exclus dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap Gizmo. Et c'est parti pour le dernier Planète Rap de la semaine entre 20 et 21 avec Gizmo. Alors où on en est, Gizmo, est-ce qu'il y a des nouvelles? Je pense qu'il devrait pas tarder à arriver. Ça s'agite en bas, je vois les images du rez-de-chaussée de Planète Rap. Ça s'agite, on va certainement retrouver Gizmo dans un instant. Bienvenue à vous tous. Du gros freestyle de prévu ce soir avec toujours la sortie de l'album Dans ma ruche qu'on découvre cette semaine et ce soir encore jusqu'à 21h. Planète Rap spécial Gizmo et d'ailleurs on va revivre tout de suite ce qui s'est passé durant cette semaine. Ça va certainement faire arriver Gizmo. C'était de lundi à jusqu'à hier soir dans Planète Rap. Petit concentré, petit résumé de l'émission. Skyrock, remonte le temps. C'était toute cette semaine dans Planète Rap. Tout va bien dans ta ruche? Ouais, ça va dans ma ruche, au calme. Bon, au c'est calme. Vrai qu'on t'avait laissé, tu sortais à l'époque un album tous les 6 mois. Ouais, mais là j'ai pris mon là, temps. Là t'as pris un peu plus de temps. Ouais. Ben, c'était bien, c'était un break. Donc j'avais besoin de reprendre un peu d'inspi, tout, tu vois, retourner aux sources, comme on dit. Elle est bien cambrée, je vais la serrer comme dans une boîte à sardines. 6h du match, la tartine. 8h du match, la tartine. 9h du match, lui dit dans 15 minutes, faut que tu sois parti. Je sens ma tête, ouais. Il t'a paru ouais, compliqué à faire celui-ci? Pas forcément compliqué, aux c'est autres. Ce qui se passait en même temps, tu vois, dans ma vie privée, pendant la conception de l'album qui était mouvementé, tu vois. C'était toute cette semaine dans Planète Rap. Je suis dans la merde, j'avais pas un clou. Tout est dans ma tête, je les passe d'un fou. J'ai mes tasses de nuit et mes tasses d'un jour. Ça traîne dans la ville avec 4 d'un coup. Je suis dans ma tessinon, j'habite pas 5 clous. Ça fait du feu, les types tapent un foot. Azulé dans la street avec un tapin, je roule. Ah ouais, je le weed et puis je pars d'un coup. On fait que du sale pour ramasser tout le wali. J'ai rempli les salades que mes demandes à Paris. J'ai vendu les grammes et j'ai épargné mon âme pour éviter les drames et les femmes que j'ai salies. Planète Rap. Ouais. Cousin, je vais avoir 24 ans, je suis plus un gosse, j'aime bien ton instru, Hugo. Mais bon, sans ma teub, ouais. Tu peux pas avoir le gizmo si t'es pas dans les vrais coins. Des fois je baisse, des fois je dis trop. Des fois je dièse, des fois je dis de moins. Je suis un de ces négros qui a tout pigé. Maille sur le déco, j'ai tout cliqué. Barrette de bédo, ramène le cello. On raquette le zéo et vous quittez. Valentin, c'est pas comme dans les films. C'est pire que Boys in the Hood. C'était toute cette semaine dans Planète Rap. Mon fucking Redman. Redman qui est là avec nous. I'm good. Demande-lui s'il n'y a pas trop de fumée. Don't you want smoke in here? Yes, a lot of smoke. This is the first time I smoked at a radio station in a long time. This is great. Bah, Eddie, en fait, c'est la première fois que je fume dans une station de radio depuis longtemps. Planète Rap, le freestyle. Genre de mon zoo avec un zoule à la bouche. Pas de ceux qui se foutent droit à la chenouf. Moi, je me soulage à la douce. On passe du courage à la frousse. Tant de frères qui nous ont quittés. Gangsters souvent impliqués dans le stress et dans les cités. Quand perche, c'est d'exister sans faire de débilité. Je dis ça parce que j'ai fait rimer. Grande bière est nécessité. On n'a pas le temps à tout vous dire. On crame l'Afghan, ça taffe quand vous pensez. Mais qu'à coup sûr, on passera devant. Dites-moi, où sont les fils de chelac? J'arrive et que je pisse mon venin sans arrêt. On vise de ce cas, je veux plus que ce dont j'ai besoin. Ouais, c'est toujours luxe, toujours flousse pour bruxe, toujours frustré. Le tout pour le succès. I rode the blunt with crushed these and cocaine. With acid, PCP, hash and propane. Now I'm alive, wired, trying to revive the dying. To do one last episode of Soul Train. Heat like the bro James when the mic's on. Can't stomach the flow, you better try Tums. I'm out of here, not even a life form. My Ray-Ban lens got the Twitter icon. I bully the bullies around the playground to help the kids bring the suicide rate down. I'm a bad influence to all school students. I have your class look like a scene from 8 Mile. My wifey don't trust me and I don't blame her. Cause like a dumb blonde woman, it's a no-brainer. MCs prepare for 4th World War. The bomb out of my arm jetting like Joe Namath, nigga. Red man in the building. Yo, Gizmo in the building. Je t'explique, tu vois, je suis adopté déjà à la base, tu vois, dans ma fratrie. Je suis un peu comme le mouton noir, c'est-à-dire je suis adopté, machin. En fait, c'est compliqué. C'est la sœur de ma mère qui m'a adopté quand moi j'étais bébé, puisque ma mère elle pouvait pas s'occuper de moi. Ma belle-mère, tu vois, j'étais un peu des fois en conflit avec elle et tout, et je pouvais pas. Des fois, par fierté ou bah, pour des embrouilles, tu vois, je sortais de la maison et je revenais pas des fois des 2, des 3 mois. Et tu vois, quand t'as 16 ans, t'as pas de revenus fixes.

Mark Ronson qui a rendu visite à D-Fool, c'était hier soir, Momo. Ouais, c'est ça. Entre 20 et 21, entre 21h et minuit. Une belle émission avec Mark Ronson. Il est passé, on peut retrouver tout sur le skyrock.fm. Et ce soir, c'est le Planète Rap avec Gizmo. Et pour cette dernière, pas de Gizmo. Mokles, des nouvelles? Des nouvelles fraîches? Il arrive, il est à côté en fait. Il est pas loin. D'accord, très bien. Fred. Bah et toi en forme? Ouais, super, on est là. Bienvenue, Mokles est là avec nous. Mokles, évidemment, Scred Connexion. Avec... D'ailleurs, tu sais, on a appris qu'il y a une boutique qui a ouvert cette semaine. Ouais, il y a une boutique. La Scred boutique a ouvert au 80 rue Marcadet dans le 18e. D'ailleurs, hier, on a fait un super showcase, une rencontre avec Gizmo qui est passé pour présenter un peu son album, rencontrer son public. Et donc voilà, c'est une démarche avec la Scred qu'on a entrepris. Et voilà, là-bas, on peut trouver du vinyle, des CD, de la SAP, du Scred, du YW, du Gouffre. Enfin voilà, il y a plein de... Et puis des rencontres parfois donc avec les artistes. Ouais, t'as vu par exemple samedi à Dino qui sort son album All In qu'on soutient. Donc voilà, il y a plein de connexions qui se font à travers toute la France. On va recevoir plein d'invités là-bas au 80 rue Marcadet. La Scred Boutique, ça va être le lieu. Et bah allez suivre là-bas rue Marcadet dans le 18e pour tous ceux qui passent dans le coin de Paris. Voilà, qui là, sont pour de Paris. Les soutenir Guise. Et bah on l'attend. Mais on l'attend toujours. On l'attend pour le soutenir. En plus, il y a les gagnants. On a fait un concours. Ils ont fait un concours cette semaine. Je sais pas si tu es au courant. J'ai gagné là. Je suis venu pour ça, moi. Oui, c'est toi le gagnant en fait. C'est moi le gagnant. C'est toi qui vas rapper en fait. Exactement. Bon bah le freestyle normalement tout à l'heure. On attend Gizmo d'une minute à l'autre. Envoyez vos messages avec le hashtag Gizmo sur Skyrock. Un petit mot aussi d'ailleurs sur le projet que vous aviez fait en commun avec aussi Despo, Jamais 203. Le bilan, un peu déçu quand même sur le Jamais 203. C'était une bonne aventure. Après, c'est vrai que niveau vente, on n'a pas tout explosé, mais avant coup, tu me dis ouais, faire un album avec Gizmo et Despo, je te re-signe encore une fois. Normal, je refais un. Mais c'est vrai que on n'a pas trop tourné, on n'a pas trop fait de concerts. Mais bon, avec la Scred, moi j'en fais, Guise en solo il en fait, Despo aussi. Donc voilà, c'est un mal pour un bien. L'aventure continue et tant que voilà, on réussit à rebondir. Gizmo, regarde, il sort son album, il a un succès fou cette semaine, il a cartonné, il est dans le top des ventes iTunes. Donc ça montre que voilà, YW ils font du bon taf, ils sont là. Et qu'ils ont misé sur le bon cheval. Le bon cheval. Aïe. Et bon, l'attend le cheval. Au galop. Il y a Démon qui est là. Et Démon One qui est venu soutenir pratiquement Gizmo tous les soirs de la semaine. Ça va, Démon? Entre 20 et 21. Ça y est, il vient de passer? Bon, bah, on va accueillir Gizmo. Il va y avoir l'entrée. Il est là, le Giz, enfin. Le Giz va arriver dans un instant. Entrez ici en direct. Vos messages, tiens, envoyez aussi, balancez vos messages avec le hashtag Gizmo sur Skyrock au 41759. Du freestyle, donc, de prévu avec le gagnant du concours Mokles. Ah, bah, voilà. Voilà. Il est là. Désolé, on va. Comment ça? Voilà l'arrivée de Gizmo dans le studio de Planète Rap entre 20 et 21. Tu veux souffler un peu, Gizmo? Tu veux qu'on mette un morceau ou tu veux attaquer tout de suite? Enchaîne, viens, tu les politesses. Tu après le tour, voilà. Mais non, mais là, si tu fais le tour du studio, on n'est pas arrivé, Gizmo. C'est clair, on est combien là aujourd'hui? Pas mal. Et il y en a encore beaucoup de l'autre côté. Gizmo, t'étais où? J'étais sur le chemin, j'ai eu 2-3 bricoles, rien de grave, ça va. Rien, tout va bien? Ouais, c'est calme. Ça bouge pas? Ouais. Bon, bah nous on a commencé, hein, on parlait avec Mokles justement, et il nous rappelait l'ouverture de cette boutique où tu as été hier. Ouais, faire une séance de dédicace. Petite séance de dédicace hier. Énervé la Scred Boutique, énervé. Franchement, c'était les... Là, je suis à bout de souffle. On va mettre un morceau, tu vas reprendre ton souffle. Vas-y, on va parler parce que c'est une grosse soirée de prévue en plus là ce soir. Avec les gagnants du concours. Ouais, ça va envoyer sec. Hein. Tu veux qu'on mette quoi? On peut commencer avec dans 10 ans. On l'a mis déjà. Ah, vous l'avez mis? Ouais, on l'a mis. Bah, mais dans le zoo. Elle est dans le zoo. Et tu reprends le souffle et on explique ce qui se passe ce soir avant 21h dans l'émission dans le Planète Rap consacré à Gizmo sur Skyrock. Ouzou. Oh. Dizzy, Ouzou. Armées qui se mettent sont dans le sou, mes criminels sont dans le sou. On arrive de l'en dessous et on fout le hella. Mais qui se mettent sont dans le sou, mes criminels sont dans le sou. On arrive de l'en dessous et on fout le hella. Je viens prendre le monopole. Coca-Cola, leur danse est monocorde. Ils font du copier-coller. J'aime ton boule, tes formes, mais faut pas s'affoler. Chambre des lots, aller-retour entre terrain, poison, tu connais. Gremlins, qui se mettent si bien en vitesse dans la résoie. Et oui, elles disent, mais une belle veste, on part en virée. Toutes les gazelles seront bien habillées. Boule à facette pour pas s'ennuyer. Prends une bouteille, t'inquiète, c'est payé. Ramène l'équipe, le beat est plié. On vient pour gagner, sans fou d'essayer. Yoni, Willy, les sables sont stylés. Gizmo officiel, viens donc cliquer. Whisky, compte à zéro. Plan à part, Trocadéro. Mes qui se mettent sont dans le sou, mes criminels sont dans le sou. On arrive de l'en dessous et on coule hella. Mes qui se mettent sont dans le sou, mes criminels sont dans le sou. On arrive de l'en dessous et on coule hella. Bouge la tête, bouge le son, fous la merde, bouge la fond d'une ligne de cesse. J'en face, on a une barrée dans le gazon. Fais comme ça, Dio. Vite la taille de vodka, elle est Mario. Tu veux tirer une taf de weed, t'inquiète, y'a bio. Cayenne de Big Des pour mon clé, certifié Barigo. Quoi, tu me tapes, t'as moins de buzz que mon backer. Lascar, L2, c'est Yoni, Willy, on avance, on n'a pas peur. Depuis les scènes et les battles, habitué à mettre des claqueurs. Moi, c'est le corps d'Eli, c'est mon avec la tête de backer. Performant depuis que j'ai débarqué. Me parle pas de ton flico, en concert, on fout la merde, ça lève les bras, le champagne et le bigo. Motherfucker, mec, qui se met son dans le sou. Mes criminels sont dans le sou. On arrive de l'en dessous et on fout le hell. Mes qui se mettent sont dans le sou. Mes criminels sont dans le sou. On arrive de l'en dessous et on fout le hell. J'ai commencé ce truc, j'étais encore un père. 6 ans plus tard, viens me check. Le bordel est impec. Mes qui se mettent sont dans le sou. Mes qui se mettent sont dans le sou. Mes criminels sont dans le sou. Mes criminels sont dans le sou. C'est pour le 80 ce doux. Et les 4 coins de la France, pendant qu'ils sont dans le trou, on a 3 tours d'avance. Ouais, je me la pète vieux. Avec des diamants sur ma montre, là je pourrais te dire que le temps est précieux. Ouais, c'est la merde vieux. Pour le coup de tronc, le sous le chaud, pas pour deux fois. Tu prends une peine de. Un conseil, fous un tri sur ton ombre. Madagascar, Sénégal et tous les pays du monde. Les mecs qui se mettent sont dans le sou. Mes criminels sont dans le sou. On arrive de l'en dessous et on fout le hell. Les mecs qui se mettent sont dans le sou. Mes criminels sont dans le sou. On arrive de l'en dessous et on fout le hell. À l'envers, ça schéma, son sensible, despo, clésmo, pismo, Cayenne, certifié Barigo. What's up, Barbès, Barclan, plus. C'est le Planète Rap avec Gizmo qui vient d'arriver dans le studio avec l'album, toujours dans les bacs depuis lundi, toujours numéro 1 aussi pour Gizmo. C'est ça. Donc tout va bien pour cet album dans le Zoo, c'est ce qu'on écoutait à dans l'instant. Dans le Zoo, c'était ça le morceau, frérot. Sur Skyrock entre 20 et 21. Gizmo avec nous. Alors parlons un peu rapidement du concours qui a été lancé il y a quelques jours de cela. Il y a quelques jours, j'ai lancé un concours où des rappeurs, rappeuses, chanteurs, slameuses, slameurs, peu importe, tu vois, ils devaient enregistrer. Un couplet en 10 ans, comment ils voyaient le truc dans 10 ans. Et j'ai pris 3 gagnants et je leur ai promis qu'ils seraient là pour freestyler aujourd'hui et ils sont là. Et bon, on les présentera dans quelques minutes. C'est ça. Donc du gros live de prévu, Mokles aussi, ouais. Qui est aussi le gagnant du concours. Hein, Mokles, tout à l'heure. Mokles qui est le gagnant du grand concours. Grand gagnant. Le grand, pardon. Ouais. C'est un petit que je suis depuis longtemps. Donc là, je voulais lui faire un peu plaisir, tout ça, le ramener, le sortir un peu de son quartier avec ses potes, tout ça. Non mais mortel, faut pas oublier que le concours, franchement, il y a eu combien de participants en tout? Un tas, hein, franchement, je peux même pas dire, ouais, 500 par là, c'était blindé le mail. Franchement, c'était un délire, ouais. Mais il y avait du niveau, c'était dur de choisir, il y avait du niveau. Ben regarde, il y en a même, je sais pas s'il est là, il y a un frérot qui a été rajouté, qui a pas gagné le concours, mais qui était tellement bon qu'on a dit vas-y quand même. Ouais, on n'avait pas tout écouté, machin. Ah, parce que agent, c'est pas comme quand t'écoutes la nuit, tu vois. Ouais, c'est pas le même truc, ouais. T'écoutes pas pareil, les morceaux. T'écoutes pas pareil, ouais. Donc là, le choix est fait, en tout cas, il y aura une grosse session live là d'ici quelques minutes. C'est ça. On présentera les gens qui sont venus, ceux qui ont gagné aussi au concours de Gizmo. Et Gizmo qui part dès ce soir, parce que demain il y a concert, c'est ça, c'est ça. Ce soir là, je me casse, je vais sur Montpellier. D'ailleurs, s'il y a une demoiselle ou deux ou trois qui sont chaudes pour partager ma chambre d'hôtel, j'ai rien de prévu encore. Quelqu'un qui peut héberger Gizmo, non? Non, je serai à l'hôtel, mais dormir avec moi, histoire que je dorme pas seul. Massage, tout ça, mise en condition avant le concert, au calme. Voilà. Appel à témoin. L'appel à témoin est lancé. On va voir si ça marche. N'hésitez pas à envoyer vos photos, hein, Skyrock FM ou via l'application Yax aussi. Ça arrive direct dans le studio. On écoutera donc les freestylers. On les présentera d'ici quelques minutes. On revient aussi avec vous, freestyle par téléphone et le site urbanlocker.com qui file 100€ de bons d'achat. C'est dans un instant, juste après ça. Les Skyrock. Comme toi, Gizmo a lui aussi choisi Planet Rap. 20h-21h tous les soirs sur Skyrock. C'est Gizmo, notre invité toute la semaine entre 20 et 21 sur Skyrock. Envoyez vos messages 41759. Tiens, Dingo qui me dit rétablit la vérité, Fred. C'est vrai que juste avant la pub, j'ai dit que Gizmo était encore numéro 1. C'est Jules qui a repris la première place. Ouais. Gizmo reste 3ème, ce qui est quand même honorable. Tout bien sûr. Bien. Bah, elle est toujours dans le top. Toujours dans le top. Donc tout c'est va bien pour cet album. Dans le top 10. Et profitez-en. Bonjour là. Et bah, ça va, Willy, en forme. Et bah profitez-en ce week-end pour aller récupérer l'album de Gizmo. Il est dans les bacs. Ou alors le commander maintenant en allant cliquer et récupérer cet album. Mokless est là. Willy le Barge et Tonton est là. Ouais. Rimka. Ah, Rimka qui est là aussi. Rimka du 113. Ouais, ça va, Rimka. Grand frère depuis longtemps. Donc. Ouais, ça va, Fred. Ça va. En pleine forme. En pleine forme. Ça fait plaisir d'être là pour le Planet Rap de Gizmo. Qui est un jeune talentueux qu'on suit depuis un moment et qu'on respecte. Et puis aussi, par rapport à tous les gens qu'il y a derrière lui, Willy et compagnie, qui sont vraiment des mecs qui sont dans activistes du hip-hop depuis autant de temps que nous, qui sont là depuis qu'on fait du rap, on se voit, on se croise, on travaille ensemble. Et voilà, et c'est les gens du 18ème, c'est une connexion. C'est un deuxième chez nous, ouais, c'est vraiment les gens de là-bas, on a beaucoup d'estime pour eux, de respect. Donc voilà. Et bah bienvenue Rimka, il y a Démon One qui est dans le coin aussi, que t'as retrouvé, qui est là Démon aussi avec nous. 9-4. Démon en pleine forme avec nous. Le concours, dans un instant, on va attaquer juste avant, on finit avec le dernier freestyler par téléphone de la semaine, c'est Kéfir. Yeah, Frédérico, ça va? Ça va et toi, Saint-Etienne? En forme? Nickel, impeccable, la pêche. Je te présente Gizmo et puis t'as entendu, il y a Mokless, Rimka, Démon One. Yes. Ça va, ouais, nickel, Gizmo, ça va? Ça va, frérot, on est là, on se maintient toujours. Y'a pas le choix, de toute façon. Hein? Pas le choix, de toute façon, hein? Pas le choix, j'ai vu que t'étais un peu arrivé en retard. Laisse tomber, c'était la course, là, sur le trajet. c'est des choses qui arrivent, écoute. Mais ça va, au calme. Ouais, c'est des choses. Bah en tout cas, j'écoute depuis un petit moment Gizmo. Il y a un son particulièrement où je crois que j'ai tourné pendant un an avec, vraiment. Ouais. C'est Ramène... Attends, Ramène-moi n'importe lequel. Voilà, putain. Merci, c'était sur Normal, ça. Ah ouais, t'es un ancien, bien vu, frérot. Un grand fan de rap français. Merci, mon gars. Ça fait plaisir. Ah, vraiment bien. Et en plus, on a une connaissance en commun, c'est Igoum. Ouais. Tu connais Igoum? Ouais, je connais Igoum, ouais. Chamé. D'accord, bah tu lui passeras le bonjour parce que moi je l'ai pas souvent au téléphone en ce moment. Ah ok, mais Mokless le connaît bien. Ouais, bah oui, tout le monde, toute l'équipe YW. C'est un, artiste YW, toute l'équipe le connaît. T'inquiète. Eh ben impeccable, ouais. Impeccable les gars. Et bah, on va t'écouter rapper Kéfir, c'est parti, une 30 pour tout défoncer comme d'hab, session freestyle, on y va. Yo, Kéfir. Yeah. Ok. Toi t'es content de toi, mais moi je fais confiance à l'auditeur. C'est mon contre-emploi, je me déploie pour plaire aux chroniqueurs. Balancer des trucs purs, c'est la devise de l'équipe. Produire des beats et des kicks sans la moindre structure. On se procure notre propre promo et propre topo. On avance face à trop de murs. La vérité, on a le salaire de l'intermittence. L'impertinence ne paye pas, ne fait pas si t'en avais l'idée. Interdit danse, depuis l'époque des boom j'rappe. Adolescence étalée sur des prods boom bap. Y'a les MC, surtout leurs valeurs j'ai côtoyé. Trop de photocopies avec le discours que trop croyez. Ça fait bla bla bla. Je me suis octroyé le 3-3-3. Et le flow qui les atomise ramène tous mes protagonistes au toit. Je vais les foudroyer, qui que vous soyez. Je reste impossible à soudoyer. Tout mon sac j'ai pas déballé. Ce son éteint pas décalé. Fallait pas me demander taille et braille. Croyant que j'allais pas les caler. Envoie le beat crâne que je puisse l'étaler. Mettre une tannée stanée. Celui qui peut me battre n'est pas né. Avant de vouloir rapper, je te conseille d'apprendre à lire. Personne ne sait exactement ce que t'es amende à lire. Tu fais croire à ton entourage que t'es un dingue et que t'es nos limites. Mais face à nous, tu n'as rien dans le ventre. Boulimique, KESYR. KESYR en pure improvisation, je représente pour le One Mic. One Mic, O-N-E-M-I-C, Saint-Etienne, Lyon, hier, KESYR. Ok, Kéfir à l'instant en freestyle terrible, comme d'hab. Merci à toi, tu repars avec 100 euros en bon d'achat chez urbanlocker.com. C'est pour toi. Ah, mortel, je suis bien content. Le site numéro 1 de vente en ligne de vêtements hip-hop, c'est pour toi, urbanlocker.com. Bien vu, frérot, en tout cas, lourd hein, le couplet. Hein. Merci beaucoup, en tout cas, je vous souhaite vraiment que de la réussite et du bon courage parce on que c'est vraiment que ça le aussi, nous aussi on que souhaite que ça, que frérot. Je respecte. T'es un tueur, merci beaucoup, frère. Ça et donne ben, de la voilà. force. Et Kéfir, à très vite. À très vite, yes. Et toujours sur le net, Kéfir, hein, pour le suivre, allez voir. YR pour ceux qui veulent me rejoindre sur Facebook, KESYR. Merci à toi, Kéfir, bonne soirée. Yes, bonne soirée. Ciao. Gizmo, on attaque le live. Ouais. Alors, les gagnants, ils sont où les gagnants? Hein? D'abord, c'est des... Ouais, on fait les gagnants en premier. Ouais. Alors, les gagnants, venez nous rejoindre autour de la table. Et après, on part en couille. Venez les gagnants, ceux qui ont été repérés par Gizmo et qui ont envoyé justement leur démo dans 10 ans. Bienvenue messieurs, comment ça va? En pleine forme? Vous êtes prêts à attaquer? Ouais, on est prêts. Vous vous présentez à chaque fois avant le live? ALP 94, Charenton. Salut. Eh ben allez, c'est parti, on y va, session freestyle. Et après, on passe à autre chose, ok? Ah ouais. Gremlins Gangsters Alpha Lima Pedro, Junobi 4 double dose. TDB, VSD Gang, passe à la TI Asmo, libéré mon gars Sosa du VSD Gang. Aïe aïe aïe. Gangsters. Ah. Alpha ah. Bang bang. Ah. Check. Ah. J'ai quelques ennemis inter. J'ai de la famille dans les yeux. What? Tu me blagues des gros, qu'est-ce que tu vas faire? Hein? J'ose même pas me regarder dans les yeux. Fais des gangs, j'ai Maya, MG, DARKO. On bat ton quartier, tu parles de RKO. J'ai éliminé tous les minots dans la minute. J'ai les malomènes au mic qui me prennent pour un méloman. C'est une EB4, c'est le fest des gangs, on n'est pas des phénomènes. On commet les phénomènes, même si on pourrait ralasser les sous-fibres. Tu vois notre démarche, ils pensent qu'on est nonchalant, on est juste solide. Bang bang. J'rote mon peine dans le fiac à marine. Gangsters. Les rappeurs du secteur sont à croix marine. Charles. Ils courent plus vite que White Phillips. C'est à cause de mon gang ou du 9 Billy. Y'a Dillard avec 3 escortes. Bang bang. Bang. Ils charbonnent pour le coupé sport. Merde. Wallah, Ousmane, c'est pas fini. Oh non. Ils finiront tous à la clinique. À la clinique. Comme un gosse de neuf, pige postiche devant une paire de nibards. Meurtre avec punchline, involontaire, Lima Pedro, plaidera coupable. Le respect peut tout coûter la vie, je suis au sommet, mais c'est en bas que les coups partent. Le respect peut tout coûter la vie, je suis au sommet, mais c'est en bas que les coups partent. Je suis droitier, donc je passe derrière le pied gauche comme le coup du foulard. La vérité t'a chifflé, tiens, c'était ça le coup du soulard. Vas-y, gonfle tes becs, je gonflerai mes couilles, on verra si ça marche. Puis il sort le brolic, puis il sort le calage. Puis à la fin du drame, on verra qui s'arrache. R-I-S-L-O, tu connais le jazz, tu connais le jazz. R-I-S-L-O, tu connais le jazz, tu connais le jazz, nigga. R-I-S-L-O, tu connais le jazz, tu connais le jazz, tu connais le jazz. Ça fait rapide dans les caves de mon bloc. Ferme ta gueule, arrête de me parler de glock, de top 10, de drogue et d'un son à l'antenne. Je fume un grand spliff à la terrasse de l'hôtel. Échec, j'en ai pas assez dit. Kava n'est pas le seum. Bref, passons, les trois gars sont deux acédiques. Les gova dans les clips, c'est de la location. Un conseil, les concepts et concerts. Milliers de décons, je rêve de défoncer les barrières. Mais qui c'est ce français parano dans le son? Pris avant des litons pour investir dans le coupé. Je rate un couplet dans le taxi. Je suis dans une autre galaxie. J'ai une main sur le paquet. NRZ de la partie. Ah ouais, tu vois la vie en rose, man. T'as arraché les yeux pour les vendre à Bangkok. Les petits rêves de l'avenir de Grèce m'annonce pas nuit et jour. Faut pas qu'on s'en sort. Je m'occupe de mes affaires. Je fais un anti-pop, un peu comme l'adversaire. Mais j'ai l'antidote. J'allume un spliff tout faire au stage anti-drogue. Je veux esquiver l'enfer. Est-il une méthode? Je me devrais de les tacler, les baffer, les gars. Je vais les frapper zen. Ils me parlent que de cacher des merdes. M6Z, je n'ai plus rien à perdre. Yo yo, Don Max, Inso Crew, hein. Écoute, écoute, ça fait 1-1-1. Toujours la même merde, je vois les mêmes personnes, je performe et c'est perfide. J'ai trop sur les têtes causes, mais il y aura un peu d'air propre. Mais là, je me terre comme un animal qui hiberne l'hiver. Il serait temps de bousculer mon quotidien. Ça se répète incessamment, toujours les mêmes potes idiots. Je veux trouver mes propres idées. Hey, hey. Cool, chaîne avait raison, les jeunes sont saoulés. Salis sous le silence, silence. 2000 était une année sainte, c'était juste synthétique. Moi, je prends un aller simple pour la descente. C'est alléchant, les jeunes sont saoulés. Salis sous le silence, oui, je m'en tape de vivre en marche. Car ici, plus rien n'est vivant. Silence, car le train de ma vie est bruyant, man. Hey, hey. Plus de rencontres, j'titube, je trouve les gens cons, mais je m'en contrefiche. Si tu critiques, façon tous répète en continu. J'ai dit, même plus de rencontres, j'titube, je trouve les gens cons, mais je m'en contrefiche. Si tu critiques, façon tous répète en continu. Don Max, une so crew, 1-1. Ok. Ouais, ouais. Porte jamais celle-là. Gremlins Gangsters. 1. Découlé depuis ma naissance, j'ai petit à petit acquis des connaissances. Mais la vie, dis-moi qui en connaît le sens. Combien d'amis seront partis à la fin de l'adolescence? Et ce qui se passera, je ne sais pas. Impossible de revenir sur ses pas. Avec toi, c'était unique, tu disais qu'on se réunit jusqu'à ce que la mort nous sépare. Nique ce que les experts pensent. On apprend à encaisser enseignant. On apprend avec l'expérience, pas qu'avec des enseignants. Je veux être riche en faisant tout ce que je préfère. Réussir à faire des choix dont je peux être fier. Quitte à vivre autant être heureux, je sais me contenter de peu. Mais je ne vois pas pourquoi je devrais le faire. J'avance, je fais face grâce à des choix. Même si mes parents ça déçoit, c'est ma vie seule concernée, c'est moi. Je veux accomplir des exploits. Mon père me prend pour un fêlé, me dit que j'ai pas les idées en place. Lui est assis devant sa télé et dit voir la vérité en face. J'essaye de m'adapter mais j'ai du mal à capter. Je vais quitter la voie lactée pour pouvoir me relaxer. Je sais pas ce qu'il y aura après, mais je vais trouver ma voie. Grandir je suis après, mais ça je n'ai pas le choix. Gangsta. Oh, oh, Kremlin's gangsta. Kremlin's gangsta. Kremlin's gangsta. Dans le poids, je vais t'entendre dans le désert. Je m'envole avec un plume de mes Césaires. Tu connais pas tes tables, tu connais mes Césaires. Je suis la goutte d'eau qui fait déborder les airs. Je suis pas preuve pour vous, je te mets la misère. MTC, tu connais ma team. F-Fight, oh yeah, pas un dard pour te wet, pas un bal pour ta meute. Je veux le compte en bagarre des ailes. T'es faux à la normale. Flow haut, tu la normale. Les gros mes rimes sont pas portables. Prévois ton producteur, j'ai un GPro abordable. T'as vu, tu kiffes le vent, des œufs forts. J'ai un ténébo qui reste zen. On a une session bleue. J'ai le fun, je pas ton bras. Mon aspiration, je l'ai pas trouvé posé autant d'un joint de feu. Elle est LKAIZ, je représente le 8Z. Parce que j'arrête à mes pirates, à mes 22. T'as ici mon profil, on fait que du profit. Tout à qui est postiché. Tu veux tester profit, pour faire que des gros titres. C'est ça, mais n'a pas de passe cliché. T'as ici mon mic, mais que les gens me remontent. Je verrai bien où graver ça amène. T'as le sang comme c'est dans mon ami, j'écris puisque j'en ai. J'ai beaucoup de trucs, je te rappelle sa mère. Sa mère, rap, sa mère, mec. Tu sais, les gros sont le match, ça lève. Tu fais par terre, tout niquer sa tête. Tu prouves ton temps à ceux qui m'ont traité de sa mec. Gay, gay, gay, gay, gay, gay, gay, gay, gay. J'ai plus de game. Le game train à décarrer. Tu mets un mandat, tu vas pleurer avec crème. Si on met des volets et épilettes, c'est ma spécialité. Tom Ford, c'est ma charité. Prendre rendez-vous, c'est le café. Tu montes du doigt, je te mitrailler. Nos couches, c'est les billets volés. Je suis un pistolet. Là, je suis vraiment au du sommet. Je sais que j'ai trop de succès. Ne t'inquiète pas, c'est moi le justicier. Oh, ouais, mon pote, toujours sérieux. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Allez, tonton, là, c'est à votre tour. Zoom. Sors de mon zoo, sors de mon zoo. Check, check, check. Sors de mon zoo avec un zoula à la bouche. Pas de ceux qui se foudroient à la stouffe. Moi je me soulage à la douce, on passe du courage à la frousse. Tant de frères qui nous ont quittés. Gangsters souvent impliqués dans le stress et dans les cités. Gambert j'essaye d'exister sans faire de débilité. Je dis ça parce que j'ai péri, mais grande bière est nécessité. On n'a pas le temps à tout vous dire. On crame la gance à taf quand vous pioncez mec à coup sûr, on te passera devant. Où sont les fils de Chola? J'arrive et que je pisse mon venin sans arrêt. On vise de chien car je veux plus que ce dont j'ai besoin. Ouais c'est toujours plus, toujours luxe. Plus pour bux, toujours frustré. Le tout pour le tout pour le succès. Bédard mon spleen, le repousse au lendemain. Toi t'interroges sur mon trip, je te raconte que quand j'y reviens. Wow wow, on en est où? Gros flow, rendez-vous. Trop haut, je leur afflige des bonbons même sans les coups. M'entends fort que j'ai le truc qui peut disloquer la nuque. Vaut mieux puis qu'on t'estude isolé pour rigoler de ma chute. Baby, pourquoi tu casses les couilles? Ces petites brunes, c'est que des petites putes, des vides burnes à qui je fais des crasses, c'est tout. L2, c'est mon sauce, Lascar et VR. S'il y a des bâtards qui m'énervent, j'ai des tas de blagues sur les perroquets. Bâtards et des perroquets dans mon panorama. Je suis déjà bousillé moralement, je veux tout ce que c'est sale, on ramasse. Gang. Aïe aïe aïe, Demon One, Rimkak, Lesmo, Fredo, Taïs, Y et W, Gangs. On était al il y a 10 ans. C'est très honnête. J'en mets dans la tendance. Hey. Pendant qu'on refaisait le monde avec nos potes autour d'un joint de bon shit. Nos mères voulaient qu'on soit médecin, on s'en foutait des bronchites. Elle nous a baisé la street, là-bas tout marche au code man. Ouais là-bas les enfoirés n'écoutent pas Jean-Jacques Goldman. Ni sourd, ni enrhumé, je vis dans le bruit et l'odeur. Venir d'en bas ça empêche pas de faire des couplets d'auteur. Désolé, si j'ai gâché ton 25 décembre. J'écris sur tout ce qui bouge, reste là si tu veux pas que je te descende. Parfois j'ai des douleurs que même deux corps peuvent pas guérir. J'ai tellement fumé de joint que je sais pas quand je vais atterrir. C'est écrit sur le programme, notre futur sera trop grave. J'ai bon monter des comme un électrocardiogramme. Eh ouais, toi-même tu sais, j'en mets dans la tendance, mais toujours dans la bonne direction. Gizou, Ouzou. On s'est dit qu'on aura tout dans 10 ans. On fait les fans et le fric. Eh ouais. Bah ouais, c'est vrai qu'on était naze dans le temps. Mais t'es pas prêt pour voir la suite. Yo, on s'est dit qu'on aura tout dans 10 ans. Le flow, les fans et le fric. Yo, bah ouais, c'est vrai qu'on était naze dans le temps. Kex, Y et W. Yo, NDC, Amiazou, AMG. Pour tous mes gars. Yo, yo. négro passe à peine et mon équipe signe. Leur dire qu'on est pas ces crèmes où tous les types piquent. Ça veut des gros billets donc plus le temps pour les petits sticks. On veut le beurre, l'argent du beurre et faut qu'on prend l'épicerie. Bienvenue dans mon 80, le blood on distille. Pisté par la bac et tous les flics en file signe. Négro tu veux du street, je m'occupe de la district. Là où tout le monde porte ses hugs, même solo face à 10 team. Négro passe le mic, on est pas là pour jacter. Chez nous ta go tourne comme la bouteille de Jack D. Tu te demandes comment mes négros font tous bim. Top pour un contrôle, on est venu pour palper. Yeah. Polyvalent, polygame, en polygame au premier voyant. Bien que je suis plus puissant que leur avenir est compromis. Balance toute loser et Tommy parle en plus cache la go comique. Nous enfants de la patrie, soit la victoire nous est promise d'avance. Yeah. Négro parlez, parlez pas. Touche pas mais E-Wing enfoiré, balle et pas. Qui illumine un négro, on connaît pas les pas. Tiens pas besoin d'être un lauréat pour finir dans les bacs. La tease, on tenait bien ce name. T'as gâché mon week-end, je vais bousiller ta semaine. Fidèle à mes principes, conscient qu'un état sereine. Je m'arrache avec la sub, l'argent du touch est assuré. JP Gang, man. JP Gang, ça c'est la relève du YW JP Gang, mec. Lil Tizzy, baby. Dans ma ruche, dans les bacs. Allez. Check. Faut que le monde, j'ai pas de patience, les portes se font, les gars de ma bande, je tords le son, les portes sont mes fers, mais on a de l'avance, nous, on passe par la feuille de Neguette, un slash, tu nous regueux, mes gays, les liasses pour qu'on brasse, si tu me cannes pas, je regueux, mes gays. Hey, tu sais quoi? Attends, je vais laisser rappeler les anciens, j'ai envie de faire un petit cadeau ce soir. Je vous ai envoyé ces textes toute la semaine, j'ai travaillé quelque chose, ce sera une surprise. Là, ça me fait plaisir que mes franjo, ils croquent le gâteau, dédicace à Yoni Willy, c'est le bordel, voilà. Il a trouvé une bastos, dealer qui t'aime, mon pote. On est là, bon, moi c'est Lil Tizzy, 80 Amiens, mon gars. 80 Amiazou, dédicace à mes gars, dédicace à Vince. YW, on est là, Young Game Miller, mon frère. T'inquiète, mon frère, dédicace à mon gars Vince, mon gars Max Rouskoff, mon gars Aurel, à tout le lycée. Branly, Abou le singe, MLB, Nifgan, on est ensemble, mon gars Florent, mon gars AJ, mon gars Soustella, mon gars Costa, mon gars Black Edic, mon gars Black Trésor, on est ensemble, mon gars Moustique, on est ensemble, Denis Willy. Yo, moi c'est Lil Bao, le petit frère de ce gars-là, là. Bang, bang, bang, bang, bang. Moi je passe une dédicace à tous ceux qui me reconnaissent, tous ceux qui sont là. Collège charge bien tout le monde, là on est là. Yoni Willy, Gizmo, Lucas Winner. Le Planète Rap, avec du live à l'instant. On va laisser rappeler les grands frères un peu. Allez, c'est reparti pour la session live dans Planète Rap. On fera tourner la roulette aussi, 41-7-5-9 pour s'inscrire dans quelques minutes. Avant de retrouver la radio libre de Difool, c'est bon ? Le monde nous a rayé. Toujours retrouver l'album dans les bacs. Son parcours, malheureusement nous ignorer. Son destin, est-ce là pour toujours ? Est-on conscient, maîtrisant les événements ? Des enfants, les sentiments n'avaient déjà plus leur place dans mes rangs. Dur, dur d'oublier les profonds chagrins. Lorsque ton destin, soudain, a changé de chemin. Lorsque tes bras deviennent adversaires, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire, frère? Parfois tu choisis, trop souvent tu subis, et puis les retours de la vie font en sorte que ta douleur est bien s'adurcie. Au fil que tu grandis, tout ce qu'on lutte, les embrouilles avec les flics, pense et pense au monde de frites en ce qui me concerne. Pépère, je vis galère et beurre fraîche, je me contente de ce que c'est, mais en évitant les saisons sèches. C'est en fait sans regret, à très peu de choses tu peux t'attacher. Si ce n'est Dieu, la famille et tes regrets, peu sont les gens sur qui tu peux compter. En réalité, certains te laissent crever pour tu pleures. Vaut mieux que t'aies ton rire que d'en pleurer. La rime, je l'ai inversée pour ceux qui veulent me contredire. J'ai fait de ma vie un rêve et de mon rêve une réalité. Et pouvoir m'exprimer à l'aide du MIC. L'amour, mon parcours m'a tellement déçu. Son message, je l'ai reçu. Après lui, je coupe plus. Rimka, des moines, Mafia, tiens free. Straight connection, motless, Gizmo, Billy le Barge, 18ème 9-4. La famille, RIMK, 9-4, pour Yoni Willy, mon pote Gizmo, Fred, Demon One, On y va, je te fais tourner, un pétard mouillé. Rien à prouver, moi j'ai déjà couillé. Ne me sers pas du caviar au dîner, sinon je te fais une chiasse carabinée. Chez nous ils ont jamais refait les routes, donc on a tous la calandre abîmée. On était tous dans les stupéfiants, maintenant ils sont tous dans le narguilé. Des sous, des sous, des sous, des sous. On aimerait tous les manipuler. Tu fais dealer jusqu'à ce qu'un petit Benny Blanco vienne t'enculer. Où est-ce que j'ai pu planquer mon blé? Il paraît que je l'ai planqué au bled. Quand les impros viennent à la maison, moi je leur donne l'eau du robinet. Une fois la lumière éteinte, c'est là que tu te rends compte que toutes les femmes sont jolies. J'aimerais simuler ma mort pour voir qui est qui, pour voir qui sont mes amis. Je suis dans le dernier Rolls Royce, gosse noir, vite fumé. Côté passager, j'ai mis le siège B, B pour mon héritier. Rimkov, 9-4, Vitry, Yoni, Willy, Gizmo, Gremlins, Insta, Demon One, Fred, Planet Rap, on est là, on est là, gangsta, on y va, yo, on y va. Appelez pas nous check, on est très sale. Oui, la cesse, on a fait ça. Guise amène que des vraies phases. On va ton bigot qu'on appelle que des pétasses. On va appeler que des tasses B. Aceler sur les faces B. Faut manœuvrer sans s'apeurer, mais pas crever dans le quartier. 3-4 verres, pas de café. Y'a pas de secret dans le mafé. Madame me fait que des massages, mais finira les jambes écartées. Wesh, les mecs, où sont les massas? Ce soir, j'ai pas trop d'arpé. Du son, des sous. Y'a pour tirer qu'on a le doigté. Moi, je peux tirer sans te doigter. Te faire crisper tes doigts de pied. T'es pas bonne, tu pues de la chatte. Là ma vieille, tu peux doigter toute la nuit. Tu peux même parler sur ma ville, mais tu es sucé. Et pour lubrifier ça, tu craches sur ma bite. Oh, prenez pas la tête, on fait ça bien. Pas la peine de test, ok sale chien. T'as pas de level, pas sorti d'album. Te fais pas de bill, t'achèteras le mien. Tu la fais pas jouir, ta pétasse vient. On lui donne ça comme dans les films. Ok, dans ma ville, tout est malsain. Mais là c'est pas comme dans les films. J'ai rêvé de vivre la piscine, mais j'ai connu que la vie street. C'est pas difficile, mais man ici c'est soit t'es l'agresseur ou la victime. Mais faut pas boucave, sachez qu'on aime pas tout ça. T'es monté sur un plan, ça a foiré. Tu la fermes, que ça passe ou pas, le bras c'est moi. Ouais, je le domine, lui mettre des baffes. Trop long c'est mon domaine, pas de pitié. Je vais niquer ta gomie, sans signer. Ou aller chez Colette, même si je te laisse dans le flou. Un coup je suis bleu, un coup je suis vert. Un coup je suis vieux, un coup je suis gang. Oh, je deviens fou, j'ai plus de pitié. Mes gars font des sous en bas de la cité. Pour toi c'est pas tout de savoir kicker. Tu peux blaguer mon crew, tu vas te faire niquer. Comme ma pute de la nuit dernière. Atteindre mes buts, et bah oui j'ai le faire. Tu connais pas mes luttes, tu connais pas mes chutes. Je suis en bas du hall avec lui Cerber. T'as pas tarpé, viens pas nous voir. GPG, fric et pouvoir. Posé dans le quartier, j'encule des faces B. Je préfère écrire quand j'y fais tout noir. Tu me verras pas fuir, traite pas de soulard. Legging en cuir, j'étais pas son boulard. J'ai envie de lui dire, c'est quand que je te tire. Dans les escales ou même dans le couloir. Gangsta Paradise garanti, ratatatata, je pas. Je voyais mon papa aller au carplay, un petit bâtard me voir grandir, mais c'est quoi ça? Vécu de poisson, tout ma calache avait raison. Gang, gang. Parce que le gorou et les massas, et puis basta, je suis dans une autre galaxie. Je m'énerve pour me relaxer, j'ai pas de méthode de pharmacie. Y'a que la bleue que je veux niaxer, tu sais pas à qui je suis. Et tu veux jouer avec moi? Ok, mon grand, c'est parti. Si tu veux faire le gangsta. Ah. En tout cas, j'ai pas un rep. Et tu veux savoir pourquoi? Ouais. Parce que moi, je cours pas. Y'en est où, Oli? Je suis le dîner fils de mon rep. Écoute, j'ai acquitté, appliqué, abdiqué. Jamais de la vie, on a des marabouts impliqués. C'est compliqué de monter la vie. Des fois, je traîne avec un Madi. Des fois, je suis aux Almadies. Souvent, je suis avec l'Aska. Mais des fois, je suis dans Gaga. J'ai la tête qui va exploser. Un Paname, gros, l'hiver, c'est triste. Quand j'en ai marre de trop m'exposer, je me dirige vers Liberté 6. Sénégal, la vie. Je fais du sale à vous. Je bouffe pas de salami. C'est le mafé de Kadiatou. Dès le matin, Hugo. Gang, vous m'avez fait suer aujourd'hui, Skyrock. JP Gangsters, man. C'était la session live dans Planet Rap avec à l'instant Gizmo. Merci à vous tous, merci. Merci aux gagnants du concours Facebook que t'as organisé, qui était là, qui ont bien déchiré dès le début. Merci au petit gars Damien, là, qui était là. Mokles, Arimka, Demon One en freestyle. C'était fort. Merci à toi, Fred. C'était bien. C'était une belle semaine. Nous avons accueilli une semaine d'enfer avec Redman, 250 personnes dans ton studio, les tontons, Demon One, Rimka. Et la relève. Et la relève qui était là aussi. Tu voulais dire quelque chose? Ouais, juste un petit mot à un gars qui va me détester à la fin de l'émission. Mais c'est pas grave, on va se faire un gros câlin quand je rentre au quartier. C'est Douma Kalash. Il m'avait envoyé un morceau. Je voulais absolument le passer aujourd'hui, tu vois. Pas de place, trop de monde, machin et tout, une galère. Mais vas-y, on met ça sur le Facebook dès demain, Twitter, tout. On va pousser le frérot, ça bouge même pas. Moi, je passe une grosse dédicace à toute mon équipe YW, c'est-à-dire Moclès, Yoni, Cayenne, CTP, Mimi. Desporoutes, tu vois, tous ceux qui sont pas pu venir peut-être à la semaine du Planet Rap. En même temps, à la maison de disque Because Music, Emmanuel de Bertel qui nous suit. Et voilà quoi. Et l'aventure continue. Puis, les frères qui sont passés aujourd'hui, parce tout le monde, que tout le monde. Ça fait plaisir. Et tous surtout les gagnants. Il est arrivé comme Batman, tu vois. Il est arrivé à la dernière seconde, je sais pas, dans un bolide et tout. Ouais. Il a atterri. Voilà, en mode plaisir. Gotham. Et Démon, il suit, et son fils, il est là aussi. Ça ouais, on a toujours suivi depuis les premiers albums, on a toujours été là. Voilà. Et bah, 18e, d'ailleurs, même réécouter encore. Dédicace au mec du 9-4, au mec de Besbar, au mec de Valenton, au mec de Villeneuve. On a fait un morceau ensemble. Ça bouge pas. Villeneuve, Valenton, là, super. Plus on va les mettre ensemble, mon gangsta. Allez, suive ça aussi. MA2S, 9-4, Fonks. Allez, avant de ceux qui t'ont fait tourner la roulette, c'est parti. Skyrock t'offre la nouvelle compil Urban Music. Non-stop. Plus des chèques cadeaux de 80 euros. Elodie de Flavenec, ça va bien, Elodie? Flavenec, pardon, je suis désolé, Elodie. C'est en pas plus, grave. Attends, je sais, les Bretons, vous êtes susceptibles et tout de moi. Flavenec. Non, pas du tout. Désolé, Elodie. Bon, t'es prête à faire tourner la roulette, tout va bien? Oui. On y va? Oui. Allez, fais-moi un beau stop. Et la roulette qui va s'arrêter pour toi sur la case, c'est... Eh, attends, je vais essayer de me rattraper comme je peux. 80 euros en bon d'achat, ça va? Ouais. Ça rattrape ma bourde sur Flavenec? Oui. Ok, Elodie, bah c'est pour toi et la compil Skyrock Urban Music non-stop. D'accord. On t'envoie ça en Bretagne, Elodie. Ouais, je peux faire une dédicace? Vas-y. Donc je fais une dédicace à ma marraine, à mon ami Yuan et à Valentin et à tous ceux qui me reconnaissent. Eh ben, je te fais plein de bisous, passe une bonne soirée, bon week-end et vacances aussi pour toi. Oui, c'est ça. Eh ben, bonnes vacances à tout le monde, c'est vrai que c'est les vacances aujourd'hui. Donc voilà, bonnes vacances à vous tous, profitez bien de ces fêtes qui arrivent. Merci Gizmo, bah, plein de bonnes Merci choses pour toi en 2015. Voilà, c'était une semaine de dingue. On t'aise partir vers Montpellier. Tu es là aujourd'hui, mon tué. Tu vas pouvoir te reposer sur le trajet jusqu'à Montpellier et demain concert Montpellier. Ouais, c'est ça frérot. Merci ça Gizmo. J'espère que vous serez chaud comme moi. L'album est toujours dans les bacs, il s'appelle Dans ma ruche. Et toujours dans le top, je tiens à le souligner. Et toujours dans le top, dans le dédicace top 3, à tous les frérots que j'ai oublié de dédicacer. Jeff, We Love You tous les jours, tu le sais très bien, mon gars sûr. 9-4 VLT, Rico qui est là. Rico aussi qui tourne à Fresnes. Yansou. Dédicace tout le monde, voilà, du quartier, ça bouge même pas, on est ensemble. Merci à vous tous, on va retrouver D-Fool maintenant qui doit être là. Marlo, enfoiré. C'est parti pour la radio libre sur Skyrock au 01 53 40 30 20. Ouais. Ils sont pas là, D-Fool? Ils sont pas arrivés, toute l'équipe? On est là! Petite blague. On a juste quelques. Ça ne fonctionnait pas. Oui, on a juste quelques petits problèmes pour se connecter au studio Planet Rap. C'est à cause de la fumée, on ne trouvait plus les branchements. C'est ça, on ne voit plus rien. On voit plus rien, mais en tout cas, on a passé une belle semaine avec Gizmo. Eh ouais, grosse semaine. Style, hein. Oui, j'ai passé une grosse semaine avec vous aussi. Ah bah, grosse semaine, t'as vu ça un peu? Ouais, c'était énervé. Hein. Et Fredo, t'es comment? Ça va en fin de semaine de Gizmo? Fais-nous un petit état des lieux. Pour l'instant, il y a besoin d'un long week-end. Je vais aller faire une petite sieste avant de repartir tout à l'heure pour la nocturne. C'est ça. On est excité, frérot. Eh, c'est bien, en tout cas, Gizmo. Gizmo a pas loupé tout à l'heure dans la nocturne de Planet Rap. Je m'avance pas en disant qu'il y aura du Gizmo. Non, il y aura aussi un mec de Sevran, ça fera plaisir aux Belges. C'est Xo qui débarque. Ouais, que je connais, bah oui. Bah, t'inquiète. Ça vient de Sevran, ça, mon gars. Voilà, donc il n'y a pas loupé tout à l'heure dans la nocturne 100% rap français. Donc tout à l'heure, juste après la radio libre, à minuit 5, vont trouver la nocturne. Profitez-en, Fredo, prends des forces. Gizmo, à très très vite. Et puis ben là c'est parti pour la radio libre avec la sup, avec Taylor Pochi Gangs, avec celui qui était là hier. Je sais pas faire ça, Gizmo, ce que t'as fait là. C'est de la pratique, faut être un gangster. En 2015, tu m'apprends à être un thug, vrai. Ok. Tu vas faire ton tatouage GPG. Ouais, tu me refais un tatouage, je refais la totale. Bon, on prévoit ça pour 2015. On s'en va en 2015, Gizmo. C'est ça, frérot. Et puis dans les bacs, là, profitez-en, Gizmo, tu déchire, nous dit l'IM du 92. Tout le monde te salue, Gizmo. Et à très vite. À tout à l'heure, Fredo. Ciao, ciao à tous. Jusqu'à l'infini, mec. Et ça, c'est Mark Ronson et Bruno Mars. Il est passé vous voir. Ouais. Il est sympa, ce Mark Ronson milliardaire. Ouais, il est cool, hein. Il prête un million. Ouais, ça serait pas mal. Il demanderait la prochaine fois. Voilà. Mark Ronson, Bruno Mars pour démarrer la soirée. Radio Libre en direct. Donc vous pouvez nous appeler dès maintenant. 01 53 40 30 20. On vous attend de toute la France. Vous nous laissez vos messages sur le 41 759. On a tous les yeux dessus. Même Romano qui est là avec nous. Beaucoup, beaucoup de messages d'inquiétude là sur SMS. Ah bah ouais, ouais. Ah bah il est au bout du bout là. Ah, il est de retour. Ah ouais, bah dans quel état? Un peu jeune. Ouais. Il est de retour. Oui, ce bon matin. Bon, Fredo, t'avais oublié de brancher ta clim, Romano, ce matin. Non, mais ce matin, ouais. La clim intérieure était complètement déréglée. J'ai eu des fuites du haut et du bas. Ah, dégueulasse. Non, mais là, ça y est. Il avait froid, il avait chaud. Hier, il transpirait. C'est bon, la gastro, j'ai pas vomi. Bah, ça y est, c'est fait. Ça y est, c'est fait. Bon, bah, écoutez, toute l'équipe est là. Je vois que tout le monde est autour, là. Ouais. Et bah, on va se préparer. On se met le petit Bruno Mars, comme promis, avec Marc Hanson. Et puis, on démarre avec vous. Dès maintenant, 41759, l'appli Skyrock, le skyrock.fm, allez-y. Jusqu'à minuit, c'est Radio Libre. En direct. Diffoul Gangsters. C'est le Diffoul Gangsters Time maintenant.